Chapitre 7e, sur le mur. Par cette journée, dont la grâce ensoleillée convenait aussi bien à un été tardif qu'à un commencement d'automne, les pas de Delbon le portèrent, naturellement, à l'endroit où sa propriété était mitoyenne à celle de Madame Leroy. Et comme il nous arrive souvent de nous mentir un peu à nous-mêmes, il ne s'avouait pas le réel motif qui orientait sa promenade dans cette direction particulière. Il se disait « Mon parc est charmant de ce côté. On y respire à plein poumon de délicieux arômes de résine. On a l'illusion d'une excursion en pleine forêt, tant y sont nombreuses les pommes de pin qui craquent sous les semelles. Mais tout au fond de son être, une autre voix, ajoutée en sourdine et cependant fort perceptible, « Surtout quand on a quelque chance d'y retrouver. » Et il imposait aussitôt silence au murmure indiscret par un « Qu'importe !» manquant à vrai dire de conviction. Sans doute, de plus en plus subjugué, en romantique un peu arriéré, par le charme propre du site, il posa le pied sur un monceau d'éboulis et d'un souple rétablissement se hissa à califourchon au sommet du mur. La même voix trompeuse conseillait « Tu seras là à merveille pour griller une cigarette, tout en laissant errer ta pensée. » Mais l'autre voix plus sincère complétait « Et puis tu ne saurais rencontrer de meilleur observatoire. Tu pourras surprendre facilement ce qui se passe dans l'enclos voisin. » Et non sans malice, la voix insistait « Oui, ce qui s'y passe, et par surcroît ce qui peut y apparaître. » Ma foi, il allait céder à cette somnolente béatitude où les pensées flottent capricieusement, ainsi que des oisillons dans un ciel attendri, lorsque lui revint en écho ironique les accents d'une certaine remarque. N'avait-on pas fait une allusion piquante à ces gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas? C'était la veille. Ne risquait-il point d'être surpris à son poste de guet et ne brouilla jamais un jeu qu'il désirait au contraire éclaircir? Redescendre purement et simplement de son perchoir, il n'y songea même point. Il lui aurait fort déplu de perdre les bénéfices de la situation qu'il s'était choisie. Il s'avisa donc de reculer et de se blottir en quelque sorte dans une niche naturelle fermée par les branchages serrés d'un arbre plus gros que les autres. Ainsi, il conservait ses chances de voir, sans courir les moindres risques d'être aperçu. Il s'accorda alors ce qu'il donnait, avec son sens pratique, quelques minutes de repos dans une oasis de rêve. Équilibré à merveille, sain d'esprit, il se rendait compte qu'il en est de l'intelligence comme des muscles, un sommeil prolongé de l'une de ses facultés engourdit parfois les autres. Il convenait de cultiver l'imagination comme le reste. Peut-être d'ailleurs, ne se fit-il pas ce raisonnement alambiqué. Il rêvassa parce qu'à ce moment, il lui plaisait de rêvasser. Le souvenir prêtait déjà couleur d'enchantement à un visage dont il évoquait les traits, un à un, avec une mobilité tantôt réconfortante, tantôt décevante, d'interprétation. On se moquait de lui, dans l'ombre, sans le connaître, et c'était le prologue. On lui témoignait de la sympathie, et c'était le premier acte. On le persiflait sans ménagement, et c'était le deuxième acte. Que serait le troisième, celui qui dénoue les situations? De ce songe exquis d'éveillé, il fut tiré par un bruit analogue au bruit qui, deux ou trois nuits auparavant, l'avait arraché des griffes d'un cauchemar et l'avait lancé, Browning au poing, à la poursuite de l'inconnu dans le mystère de la vieille demeure. Un coup de marteau, oui, puis un autre encore. Les chocs répétés mirent en fuite l'image qui s'imposait à l'esprit de Delbon avec une persuasive douceur. Elle s'effaçait, mais à regret, semblait-il. Elle réapparut même encore avec sa grâce juvénile, ses regards espiègles, son menton à fossette, puis elle s'évanouit tout à fait. L'ingénieur était complètement repris par le problème à résoudre. On ne martèle un mur de cette façon que pour le sonder. Il allait donc connaître, sinon le but énigmatique de ce travail, mais tout au moins le visage de qui l'exécutait, et cette constatation avait son importance. Il se dissimula de son mieux dans son refuge naturel, en s'y enfonçant plus encore et attendit. Les heures se rapprochaient rythmiquement. Un choc, un silence. Un choc, un silence. Le temps marqué signifiait que l'on procédait avec méthode, en toute assurance. L'opérateur sifflotait d'ailleurs un vieil air de valse, et ne l'interrompait, à intervalles réguliers, que pour prêter sans doute l'oreille et se rendre compte. Siffle, beau merle, apprécié Delbon, je saurai bientôt la couleur de ton plumage. En effet, le merle ne tarda pas d'apparaître. En réalité, il n'était pas beau avec sa physionomie chafouine et terreuse, son attitude équivoque inquiétante, oblique, qui vous engageait de suite à se mettre en garde. Delphin graissait. Mettons des formes, songea Delbon, pour essayer de tirer les vers du nez de cet individu. il y a des chances pour qu'il me réponde par des mensonges, mais, avec un peu d'expérience, on juge moins d'après les paroles, et même les actes, que sur la tournure, l'embarras d'une attitude, la spontanéité d'un geste impossible à dissimuler. Surprenons donc notre homme. Il n'aura pas les loisirs de se composer une physionomie et un maintien. Il attendit donc que Gresset fût à peine à 1 mètre de son embuscade. Il avait eu soin de rejeter les jambes en deçà du mur du côté de sa propriété. L'arrivant ne se doutait donc pas de sa présence. Soudain, une interrogation tomba des branchages. « Que faites-vous donc là, mon brave ?» Gresset releva brusquement la tête, reconnut l'interpellateur, et la crispation de son visage fut telle qu'un observateur, même superficiel, n'eût pu se méprendre sur sa signification. Le rustre donnait l'impression qu'on le prenait en faute et ses doigts se contractèrent sur le manche du marteau comme pour le lancer avec plus de force à la tête du jeune homme. Ce mouvement instinctif de brute, que l'on va saisir au collet, avorta. Avec un sourire cruel, quasi féroce, de ses lèvres minces et rasées, Gresset, qui avait certainement de la maîtrise sur soi-même, s'exclama sans se compromettre. « Hé, hé, hé !» Delbon ne put s'empêcher de railler. « Merci du renseignement !» il ajouta. « Toutefois, si c'est un effet d'une amabilité que vous prodiguez, vous me feriez plaisir en me donnant quelques renseignements complémentaires. » Il conclut perfidement, « si toutefois ils ne vous compromettent pas. » Le gaillard prit au sérieux la plaisanterie qui devait lui paraître inoffensive et, piqué au vif, semblait-il, riposta sur un ton aigre-doux. « Pourquoi qu'elle me compromettrait? J'ai la conscience tranquille, autant que la vôtre, mon beau monsieur, sinon plus. » Delbon sourit amusé. « La comparaison me flatte. » Gresset, qui ne comprenait guère l'humour, poursuivit. « Je suis comme ça, moi. Je m'applique à gagner honnêtement mon argent. Le propriétaire d'une des villas, dont j'ai la garde, m'a chargé de la construction d'un mur autour de son clos. Alors, avant de commencer les travaux, j'examine ce qui est le plus solide et le moins cher. Il n'y a pas de petites économies. Feu M. Delorme s'entendait à merveille dans la bâtisse. Il en eut remontré à Nicolas le maçon. Alors, je veux voir comment c'est fichu par là pour que les goujats s'en inspirent. Delbon apprécia le boniment. Trop bien ou trop mal combiné, selon l'angle sous lequel on le considère. Il était difficile de ne pas démêler l'intention narquoise de ses paroles. Cependant, Gresset se méprit ou feignit de se méprendre sur leur signification exacte. Il affecta de croire qu'elle visait l'édification du mur. « Oui, pas mal, quoique ça manque de pierre, s'il y a trop de mortier, ça manque de résistance. » Et il refléta à son tour, dans ses petits yeux fuyants, un sentiment de moquerie blessant à force d'être tant accusé. Delmont s'exaspéra. « Ah, vous étudiez la maçonnerie. Et celle de ma bibliothèque vous intéresse aussi, sans doute, puisque vous n'hésitez pas à prendre sur votre sommeil pour l'examiner. » Le drôle se trahit. « Si vous dévaguez à m'accuser de tous les malheurs qui vous arrivent ou qui peuvent vous arriver, vous n'en avez pas fini. » Et sur son masque, fort repoussant déjà, s'imprimait une espèce de haine. Delbon, qui s'en aperçut, porta par instinct naturel de protection la main à la poche intérieure de son veston, où, prudemment, depuis ses mésaventures, se dissimulait son Browning. Gresset tenait-il à pousser son interlocuteur à bout? Se redressant comme pour défier, balançant son outil dans sa main droite, ainsi qu'une massue au maniement familier, il provoqua avec insolence, avec impudence. « Allez-y donc en plein de vos balivernes et de vos histoires à ronfler. C'est peut-être bien moi aussi qui vous ai salué d'un coup de flingot à votre arrivée. Vous ne m'êtes même pas reconnaissant de cette salve. Allez-y donc, ne vous gênez pas, il n'y a pas de témoin, ça ne vous coûtera pas cher. » Delbon se laissa-t-il prendre un piège habilement tendu? Une furieuse injure lui échappa. « Canaille ! Ah !» Delphin grinça des dents. « Une insulte pareille n'est pas dans le programme, freluquet. Attrape et tiens-toi tranquille. » Le marteau tournoya entre ses phalanges noueuses, telle une fronde, et il le lança. En faveur d'Henri, le miracle se renouvela, qui, par un concours heureux de circonstances, lui avait déjà fait esquiver une balle meurtrière. Il avait détourné la tête. La lourde masse d'acier ne toucha pas sa tempe, que heurta seulement l'extrémité du manche. L'outil devait être projeté par des muscles puissants ressorts, car du choc, l'ingénieur resta tout étourdi, pensée absente. Il se demanda même, quand la pleine conscience des choses lui revint, comment il n'avait pas dégringolé de son observatoire. Il reprit enfin possession de ses sens, mais l'agresseur avait disparu. Il ne fallait pas songer à le poursuivre. Delbon ne put que se prophétiser mélancoliquement. « Jamais 203. » Me réconforterait Bernard. « Au 1, on m'a raté. Au 2, on m'a assommé à moitié. veillons à ne pas laisser notre peau au troisième. L'âge de guerre est décidément déterré, comme l'annonçaient ces farouches Mohicans, dont les exploits faisaient battre mon cœur de potache.